Les chasseurs de nazis. Chapitre 7. Les Américains font le ménage. Quatrième épisode. L'Office of Special Investigation, rattaché au ministère de la Justice, a pour objectif, dès sa création en 1979, de débusquer aux USA des criminels nazis qui auraient réussi à tromper le service de l'immigration. Mais les pièces à conviction sont souvent des dossiers qui dorment sur des étagères de l'autre côté du rideau de fer. C'est donc vers l'Union soviétique que s'envole un jour le directeur de l'OSI, Alan Ryan. Je suis allé à Moscou en 1980 parce qu'il nous était clair à l'époque que de nombreuses personnes que nous recherchions venaient des pays baltes et d'Ukraine et dans une certaine mesure de Russie, mais principalement des pays baltes et de l'Ukraine. Et ces zones étaient de fait des républiques soviétiques dans les années 80. Les États-Unis ne le reconnaissaient pas, mais c'était un fait. Ils faisaient partie de l'Union soviétique en termes de contrôle politique. Donc, si on voulait voir un jour les dossiers de ce qui s'était passé en Lettonie, par exemple, en Lituanie ou en Ukraine, au cours de la guerre, il fallait passer par Moscou pour les obtenir. Et donc, je suis allé à Moscou et j'ai demandé si nous pouvions avoir accès à ces documents. Et leur réponse a été essentiellement que si on fournissait les noms, les dates de naissance et toute autre information que nous avions, alors ils nous donneraient accès à toutes les archives possibles qu'ils avaient sur ces personnes. J'ai proposé d'envoyer nos historiens à Moscou, à nos frais, et de mettre en place un petit bureau dans les archives, ou alors à Riga, ou alors à Kaunas, ou peu importe. Ils ont décliné cette proposition. Mais oui, en fait, nous avons acquis des preuves par ces canaux. Il n'y avait pas eu d'accord ni d'échange. On n'a pas dit, si vous faites ça pour nous, on va faire ça pour vous. J'ai simplement dit, nous aimerions avoir accès à ces archives pour pouvoir faire notre travail aux États-Unis. Ils ont dit d'accord. C'était pas une très bonne année dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Lorsque j'y suis allé en janvier 1980, c'était quelques semaines seulement après l'invasion de l'Afghanistan. Et quelqu'un au département d'État m'a dit que je serais le premier officiel américain qui rendrait visite à l'Union soviétique depuis le début de l'invasion. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et ça ne me faisait pas me sentir plus en sécurité. Mais ce qui s'est passé, c'est que on ne parlait pas de politique. Ça ne m'intéressait absolument pas de parler de l'Afghanistan. On s'est rapidement retrouvé à parler de la Seconde Guerre mondiale, comme si elle venait de se terminer le mois dernier. Parce que le procureur général que j'ai rencontré, c'était Roman Rudenko, qui avait été un des procureurs soviétiques de Nuremberg. Et mon collègue, Walter Rockler, était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme si tous les désaccords politiques présents n'existaient pas. On ne parlait que de la question de l'accès aux archives. J'expliquais que nous voulions faire un effort concerté pour remplir nos attentes, que je n'étais pas un politique, que je n'étais pas intéressé à faire autre chose que le travail dont le ministère de la Justice avait la charge. Et les officiels soviétiques nous ont répondu qu'ils nous fourniraient ces informations. Bien sûr, ça allait un peu au-delà de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait ces documents, il fallait s'assurer qu'ils étaient légitimes, qu'ils n'avaient pas été modifiés. Et d'ailleurs, ça a été le cas à chaque fois, ça nous a satisfait à chaque fois. Nous avons demandé aussi si des témoins d'Union soviétique pourraient venir et témoigner aux États-Unis. Parce qu'une chose qui m'inquiétait le plus, c'était de faire une identification sur photo après que tellement d'années se soient écoulées. Et une des choses sur lesquelles nous nous concentrions, c'était que lorsque les Allemands ont envahi les pays baltes et l'Ukraine, ils ont créé des unités de police auxiliaires avec des jeunes gens du CRU. Et ces unités de police étaient des aides essentielles pour la Gestapo et la SS. À la question, est-ce que M. X était membre de la police auxiliaire dans tel ou tel village, les gens qui le savaient étaient des gens qui avaient grandi dans ces villages avec cet individu, qui avaient vécu avec lui, qu'ils connaissaient de l'école, du travail, qu'ils l'avaient vu dans telle ou telle épicerie, et qui n'auraient pas à reconnaître quelqu'un sur une photographie, quelqu'un qu'ils avaient entreaperçu quelques secondes 40 ans auparavant. Il était important pour nous de trouver des gens de ces villes sur lesquelles nous travaillions en leur montrant des photographies prises en 1949 pour des visas et de leur demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un là-dessus? On ne leur donnait jamais une photo en leur disant, voilà, c'est Ivan X, il était gardien. Est-ce que vous le reconnaissez? Non. On étalait des photos devant eux, on leur demandait s'ils reconnaissaient quelqu'un. Et s'ils désignaient une photographie, s'ils désignaient quelqu'un qui avait vécu dans cette ville, quelqu'un qui nous intéressait, et qui disait, oui, je le reconnais, son nom est tel et tel, c'était un policier auxiliaire, on avait la meilleure des identifications possibles. C'était des gens qui savaient qui étaient les collaborateurs des nazis. Je suis allé en Pologne peu de temps après être allé en Union soviétique. En fait, je suis allé en Israël en partant de Moscou. Mais peu après, je suis allé en Pologne. Et essentiellement, j'ai demandé au dirigeant de la commission polonaise sur les crimes de guerre, un homme du nom de Pilichowski, s'il était possible d'obtenir la coopération du gouvernement polonais pour localiser les témoins. Et dans ma naïveté, j'ai dit dans ma présentation, Dr. Pilichowski, nous avons fait une demande semblable au procureur de l'Union soviétique et ils ont accepté de le faire. Je pensais que peut-être ça le rendrait plus réceptif, que ça pousserait le gouvernement polonais dans la même direction. C'était très naïf de ma part. Le docteur Pilichowski s'est redressé, tout raide, et après une profonde inspiration, il m'a regardé avec de la pitié dans les yeux, à juste titre. Et il m'a dit, « Monsieur Ryan, ici, c'est la Pologne, et nous ferons les choses à la polonaise. » Et j'ai dit, « Oui, monsieur, je suis ici pour parler de cela. » Et en fin de compte, nous avons eu une excellente coopération du gouvernement polonais à un moment où il y avait beaucoup de turbulences, à l'évidence, dans les années 80 dans ce pays. La Tchécoslovaquie, pour chercher à établir quelques liens, j'ai mentionné que la mère de mon épouse, en fait, qu'elle était née aux États-Unis, mais qu'elle était retournée en Tchécoslovaquie avec ses parents en tant qu'enfant, elle y avait vécu 4 ou 5 ans avant de revenir aux États-Unis, et qu'elle parlait couramment le tchèque. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être fournir un peu de liant. Est-ce que ça l'a fait ou pas? Je ne sais pas. Mais les Tchèques ont également été très coopératifs. Depuis, je suis retourné en Tchécoslovaquie, en République tchèque, et ça a renforcé mon appréciation quant à la détermination avec laquelle les Tchèques se sont opposés à l'oppression et à la persécution nazie sous toutes ses formes. Quelque chose à porter au crédit de la Tchécoslovaquie. Creditable record, I think, in Czechoslovakia. À demain pour la suite des chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.